L'histoire de la Gaule, longtemps indépendante, puis tombant sous le joug des légions romaines, est connue de tous, et mon invité y a largement contribué. Pour autant, celle-ci ne s'arrête pas là, puisque la Gaule devient alors la plaque tournante des relations entre le monde méditerranéen et les frontières septentrionales de l'Empire, le Barbaricum, terre par essence hostile, mais surtout totalement inconnue. Ainsi, on le verra, là où Jules César s'était arrêté, Tibère se lance avec 8 légions en Germanie, tandis que sous le règne de l'empereur Claude, 11 légions occuperont cette Germanie, mais aussi la Bretagne antique, l'actuelle Angleterre. Mais cette aventure n'est pas que militaire, et bien des échanges politiques et commerciaux s'opèrent dans ce cadre. Pour en parler, Michel Redé, bonjour. Bonjour Vincent. Directeur d'études désormais émérite à l'École pratique des hautes études, vous avez été vice-président du Conseil national de la recherche archéologique et avez donc ainsi géré l'archéologie française. Mais Michel Redé, vous restez surtout pour moi le fouilleur d'Alésia. Aujourd'hui, vous publiez « Aux marges de la Gaule, conquête militaire et développement économique de l'Occident romain » aux éditions Faye. Durant l'Empire romain, la Gaule se trouve au centre d'un réseau de communication qui atteint les zones frontalières. Et pour les archéologues, l'un des meilleurs marqueurs des échanges sont les amphores. Mais remontons le temps, Michel Redé. On se remémore toujours l'aventure césarienne pour évoquer la pénétration romaine en Gaule. Il n'en est absolument rien. Celle-ci est bien plus précoce ? Oui, celle-ci est bien plus précoce puisque on commence à constater des importations d'amphores essentiellement vinaires venues d'Italie dès la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette progression augmente de plus en plus. Elle est en quelque sorte le précurseur économique de la conquête de la province du Sud, la Gaule transalpine, et celle qui deviendra la Narbonnaise, notre Provence. Et donc ceci se produit à partir de 121 avant Jésus-Christ. Voilà. Et au fond, une partie de la Gaule est déjà conquise économiquement avant d'être conquise militairement. On sous-estime souvent les relations commerciales. Ainsi, Rome n'aurait-elle pas tout simplement gagné la Gaule, non pas par ses légions, mais par le vin ? Oui, et il se met en place à partir de cette époque tout un circuit complexe de relations intéressées. Ils sont des relations à la fois commerciales et politiques entre les producteurs, qui sont les grandes familles romaines de Campanie, du Latium, de l'Étrurie, et les grands aristocrates indigènes. Je vous en donne un exemple qui est, je crois, très caractéristique, puisque la famille de Vercingétorix et Vercingétorix lui-même avaient fait graver sur leur monnaie une petite amphore. Donc ils étaient César Verne, dont l'ultime représentant est Vercingétorix, héros de la Gaule indépendante, ont été, si je puis dire, les vecteurs de ce commerce romain qu'ils ont, pour une part, dominé pour toute la partie du centre de la Gaule. L'autre voie commerciale la plus importante, c'est la vallée du Rhône, Lyon, qui devient une place commerciale très essentielle avant même d'être créé comme Lyon, c'est-à-dire c'est dans la plaine de Vèze, dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Puis, avant même la conquête césarienne, on voit, à Bibracte en particulier, se développer tout un commerce d'amphores, et ceci jusque chez les Trévires, dans la région de Trèves, puisque l'oppidum du Titelberg, qui est au Luxembourg, les tombes les plus riches sont les tombes d'aristocrates, où on voit ces produits méditerranéens arriver avant même la conquête césarienne. On dit qu'on échangeait une amphore contre un esclave, on sabrait aussi les amphores, puisqu'on retrouve les cols de ces contenants. Michel Redé, la Germanie a toujours constitué une menace pour Rome. On se souvient des cindres et des teutons déferlant sur le Midi et Orange en 105 avant notre ère. Oui, ça a été une des dernières grandes menaces des peuples barbares du Nord sur la Gaule. Et surtout sur l'Italie, puisque apparemment la destination de ces barbares était bien l'Italie du Nord. Il y avait là des terres à piller. Et cette menace était encore très très présente au moment où César a entrepris sa guerre de conquête, puisqu'elle revient dans plusieurs discours qui sont rapporté par le texte de César. Alors les cintres et les teutons sont une véritable menace. Justement, Orange est déjà en territoire romain. On aurait retrouvé cette bataille, paraît-il ? On a retrouvé un lieu de bataille qui se trouve donc un peu au sud d'Orange, entre Orange et Avignon, et qui a été fouillé ces dernières années avec un matériel qui correspond bien effectivement à la chronologie de cette bataille de 105 qui fut une déroute pour les Romains. Dès 55 avant notre ère, César fait une brève incursion de l'autre côté du Rhin. De fait, dans la stratégie militaire, dans l'arc de la guerre, le Rhin n'a jamais constitué une frontière défendable. Je crois que il faut se souvenir que les Celtes et les Germains, ceux que nous appelons les Gaulois et les Germains plus exactement, ne formaient pas, pour les anciens, des peuples distincts à l'origine. Et dans le vocabulaire grec encore, le vocabulaire des historiens grecs de l'Empire, alors que l'Empire est déjà bien installé, le terme de Keltoi, de Celte, désigne aussi bien les Gaulois que les Germains. Ça continue ainsi, y compris jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc cette distinction ethnique et géographique, c'est une distinction qu'introduit César pour la première fois. C'est lui qui l'invente et qui borde d'une certaine manière sa conquête au Rhin, alors qu'il en définit en fait les termes, parce que c'est un fleuve qui est connu et qui impressionne aussi ses lecteurs romains et le Sénat. Donc aller en quelque sorte se projeter aux confins du monde connu, c'est effectivement faire comme Alexandre, c'est entreprendre une conquête nouvelle, qui est une de ces conquêtes faramineuses qui sont dans l'imaginaire des Romains. Comment César franchit-il le Rhin ? César franchit le Rhin à un endroit, nous dit-il, où le courant est extrêmement fort, donc probablement quelque part dans la zone de la trouée héroïque du Rhin, donc le Rhin des légendes, mais on ne sait pas de manière très précise où. Il faut quand même noter qu'on a retrouvé ces dernières années et fouillé deux camps dans le Limbourg allemand, donc sur la rive orientale du Rhin, qui sont attribués à César avec de très bons arguments archéologiques. Mais ce sont des camps éphémères, ce sont des camps d'étape qui n'ont pas évidemment donné lieu ensuite à une occupation pérenne. On n'imagine pas à ce moment-là de construire une frontière fortifiée. Ce n'est pas du tout dans les habitudes du temps. L'armée romaine n'est pas une armée qui à ce moment-là est une armée statique et qui va s'installer dans des camps pour défendre une rive. C'est une armée de conquête, c'est une armée de mouvement. Rentrer en Germanie, c'est partir aux confins du monde connu. Reprenons donc le mot « l'exploratio ». L'exploratio, c'est un mot latin qui est utilisé par les auteurs de cette époque et qui désigne au fond l'exploration, comme son nom l'indique, c'est-à-dire finalement l'invasion militaire, mais c'est-à-dire une force armée qui s'en va explorer un territoire qui n'est pas connu. Et c'est une exploration qui est à la fois d'ordre géographique, ethnographique. Il s'agit de repérer des itinéraires, il s'agit de prendre contact avec des peuples. Et pour ça, on a besoin, évidemment, c'est tout à fait normal, d'une force armée. Donc ça se traduit aussi par des combats, ça se traduit la plupart du temps. On connaît ce type d'exploration aussi, par exemple en Afrique, sous Auguste, on a une grande exploration au cœur de l'Afrique, au-delà du Sahara. La Germanie est bien sûr très différente de la Gaule, notamment avec de très puissantes forêts. La Germanie a été moins déboisée avant l'époque romaine que la Gaule. Le paysage de la Gaule, à l'époque césarienne, est déjà un paysage très ouvert, contrairement à ce qu'on lit dans cette bande dessinée fabuleuse qu'est Astérix. Il n'y a pas beaucoup de forêts en Gaule. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les forêts d'aujourd'hui sont au même endroit que les forêts d'autrefois, mais en termes de couvert forestier, on est dans des proportions à peu près équivalentes à l'époque. La Germanie, non, parce que la Germanie, d'abord, est moins peuplée, ensuite, elle est moins cultivée. Et c'est un territoire qui est gigantesque. Il s'étend donc depuis le Rhin jusqu'à la Vistule et même au-delà. Donc c'est quelque chose, c'est un pays totalement différent. Il nous faut évoquer aussi l'expédition de Drusus dans les années 12 et la place de la flotte romaine, 1000 navires, nous dit Tacite. Quelques années, enfin plusieurs dizaines d'années après la conquête césarienne, plusieurs dizaines d'années après Alésia, donc en 12 avant Jésus-Christ, Auguste, qui est le fils adoptif de César, entreprend effectivement une grande expédition en Germanie, dont les objectifs ont fait l'objet de beaucoup de discussions parmi les historiens. Conquête offensive, il s'agit d'aller conquérir le monde à un moment où on est dans une phase euphorique. Les guerres civiles se sont terminées, donc on reprend en quelque sorte cette marche en avant. On veut honorer cette promesse qui a été faite à Énée, le fondateur mythique de avant Romulus de Rome, c'est celui qui fait le lien entre Troie et Rome, et qui était celle, la promesse d'un empire sans limite, imperium sine fine. Bien. Donc il y a cette idéologie-là qui est présente, mais il y a aussi tout simplement des conditions objectives, parce que les peuples germaniques, ceux qui sont à l'est du Rhin inférieur et qui formeront ultérieurement la Confédération franque, sont des peuples qui s'agitent et qui pénètrent très régulièrement en Gaule. En 1716 avant Jésus-Christ, il y a les Romains subissent une grande défaite que l'on connaît sous le nom de Clades Lolliana, la défaite de Lollius, qui est où les aigles sont perdus, et c'est effectivement une défaite qu'il faut venger et une frontière qu'il faut, enfin un pays qu'il faut sécuriser. Sur le cours d'une rivière, la Lippe, nombre de camps romains ont été découverts par l'archéologie. Alors, l'archéologie allemande du 19e siècle et début du 20e siècle a été extrêmement active dans toutes ces régions. Elle continue d'être tout à fait active, mais beaucoup de découvertes ont été faites à ce moment-là. Et la Lippe est un petit fleuve affluent du Rhin sur sa rive droite. Donc, il s'enfonce vers l'est en direction de la Westphalie. C'est-à-dire en direction de la Vésor, donc les régions qui sont au-delà de Hanovre aujourd'hui. Et c'est là que se situe le cœur des peuples germaniques, notamment le peuple des Cherusques, qui est le peuple d'Arminius. Plus incroyable est aussi la découverte de villes romaines en Germanie. C'est le cas de Valgirmes, qui est édifiée autour de 3, 4, 5 de notre ère. Valgirmes est une belle découverte récente, début des années 90, et qui a été fouillée par la Römische Germanische Kommission de Francfort, à peu près dans les années où nous fouillions aussi ensemble à Alésia. Et Valgirmes est une véritable ville à l'est du Rhin, donc qui est fondée vers 5 avant, et qui dure une quinzaine d'années, jusqu'en 9 après Jésus-Christ, et peut-être un petit peu au-delà, on en discute. C'est une ville qui est fondée, c'est une ville en partie de bois, mais aussi une ville dans laquelle il y a un forum de pierre, où il y a des statues des empereurs, des statues équestres des empereurs, et même des statues dorées des empereurs, avec une pierre, la pierre de construction de ce forum, vient de Lorraine. Donc, elle a descendu la Moselle jusqu'à Koblenz, elle a un peu remonté le Rhin, et puis de là, elle a servi, au bout de plusieurs centaines de kilomètres, à venir décorer le forum de Valgirmes. C'est une vraie fondation urbaine. Tout ça s'effondre aussi quelques années plus tard. Il y a le cas de Cologne aussi. Alors, le cas de Cologne est un cas à peu près similaire. On compare souvent d'ailleurs les deux. Et Cologne a été conçue dès le départ comme une véritable capitale. Et une capitale sur le même modèle que Valgirmes. Donc c'est une capitale de cette nouvelle province de Germanie qu'envisage Auguste. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Michel Redé, un épisode peu connu des Français mais célèbre en Allemagne, est l'immense défaite des Romains dirigée par Varus en 9 de notre ère. Ce que l'on appelle la bataille de la forêt de Teutoburg. Oui, c'est une de ces dates maudites qui figurent au martyrologe de l'armée romaine, avec Cannes, avec cette bataille d'Orange que vous citiez tout à l'heure. Et la prise de Rome. Voilà. Et la prise de Rome, bien sûr. Voilà, et bien sûr la prise de Rome. Et donc, en 9 après Jésus-Christ, Varus, qui était le gouverneur, le légat d'Auguste, gouverneur de l'ensemble de ces régions et de la Gaule, d'une manière générale, s'est enfoncé à la poursuite d'Arminius, le Chérusque, très profondément dans la forêt germanique, et puis en revenant, ça, ce sont les textes qui nous le racontent, en le revenant, il se laisse surprendre dans une embuscade, l'armée romaine est massacrée, perd 3 légions. Donc c'est considérable, 3 légions, hein, c'est 10% de toute l'armée romaine de cette époque, et ces légions sont véritablement anéanties, elles ne seront d'ailleurs jamais reconstituées. Les 17, 18 et 19e légions sont des numéros maudits, qui n'ont jamais resservi. Alors peut-être 2 mots sur Arminius, germain à la citoyenneté romaine, une sorte de Vercingétorix allemand. Si l'on veut, c'est une sorte de Vercingétorix allemand. En tout cas, il a fait l'objet de mythes à peu près, ou d'une mythologie moderne à peu près similaire à celle de Vercingétorix. C'est un ancien, c'est un chérusque, donc c'est un noble. Donc une peuplade germanique que l'on va retrouver ultérieurement donc dans la Confédération franque. C'est quelqu'un qui a donc servi dans l'armée romaine. Il est devenu, il est même devenu chevalier. Il commandait à des troupes auxiliaires à cette époque-là. Et puis il a fait sa révolution propre pour des raisons sur lesquels je ne veux pas me prononcer, parce qu'on n'en sait rien véritablement. Nationalisme pour les uns, dispute, querelle pour les autres, peu importe. Mais en tout cas, il devient à ce moment-là, effectivement, le leader de ces peuples germaniques, qui sont des petits peuples en eux-mêmes, quelques dizaines de milliers d'hommes, pas plus, qui se dressent contre Rome et qui, tous ensemble, constituent quand même une force importante. Après 29 de notre ère, les légions romaines semblent se retirer pour mieux se fixer autour du Rhin. Le but est de pacifier ces zones non contrôlées, mais surtout pacifier la frontière. Pour autant, Michel Redé, les tribus germaines sont-elles déjà romanisées comme l'ont été d'ailleurs les Gaulois avant la conquête? L'état de romanisation, si l'on veut employer ce terme contesté, des peuplades germaniques de ces régions est très inférieur à celui civitates gauloise, en particulier des grandes civitates, des grandes cités gauloises comme les Edvins par exemple, ou les Séquanes ou les Rèmes. Bien, donc ce sont le degré de civilisation n'est pas le même, le degré de pénétration aussi des produits du monde méditerranéen est totalement différent. Il restera d'ailleurs faible, même une fois la frontière entre Rome et le monde germanique fixée par la frontière, par le limès. Donc, on ne trouvera pas, par exemple, d'amphores au-delà de la frontière de Germanie. Il y a une vraie barrière économique. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des peuplades, si je puis dire, complètement incultes, sans civilisation. Il y a une véritable civilisation germanique, mais elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais, la Gaule est désormais la plaque tournante des relations entre le Nord et le Sud, entre le monde méditerranéen et les frontières septentrionales de l'Empire, le Barbaricum. Oui, la Gaule devient... au fond, la Gaule centrale, la Gaule intérieure, celle que nous connaissons, que nous considérons comme la nôtre, bien que les frontières, la Gaule, dans le concept de l'époque, ce soit la France actuelle, la Belgique, le Luxembourg, une partie de l'Allemagne, la Suisse, etc. Faut pas oublier cet aspect des choses. Mais la Gaule se trouve au centre d'un très grand mouvement, un très grand mouvement économique, mais très mouvement de migration aussi interne, et qui est généré justement par l'existence de cette frontière ou de cette zone frontalière, de cette zone militaire qui s'installe sur le Rhin et qui constitue un marché extrêmement attractif avec un très fort pouvoir d'achat. Ces légionnaires, ces soldats, environ 80 000 hommes dans les années 10-20, après Jésus-Christ. Il faut les ravitailler, et il faut les ravitailler, si possible, en produits qu'ils connaissent bien, qui sont les sauces de poisson, les conserves de poisson qui viennent presque toutes de la zone du détroit de Gibraltar, de la baie de Cadix, de cette côte-là. Le garum. Le garum et autres sauces de poisson. L'huile d'olive qui vient aussi de cette région, donc tout le bassin du Guadalquivir. Le vin qui, jusqu'à présent, venait, on l'a dit tout à l'heure, venait d'Italie, donc du Latium, de Campanie. Et donc, il se crée dès les années 20 avant Jésus-Christ un grand mouvement commercial qui remonte les côtes méditerranéennes de la Gaule avec des hubs, si l'on peut dire, donc avec de très grands entrepôts et le grand centre de redistribution qui sont Narbonne, Arles, Lyon et au-delà. Donc, c'est ce couloir économique qui se développe progressivement, qui va permettre l'exportation de ces produits du sud de l'Espagne et en même temps le développement en Gaule même d'une économie attirée par ce marché militaire. Donc, c'est comme ça que se constitue cette route commerciale essentielle par la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, le Rhin. Michel Rédé, que se passe-t-il en Bretagne, l'actuelle Angleterre? On sait bien sûr que César y a mis un pied, mais il en est reparti assez vite, dans les années 55 d'ailleurs. César a fait deux débarquements successifs, deux années de suite, dans la Bretagne, qui n'était pas encore romaine. La Bretagne, ça signifie, dans le vocabulaire de cette époque, l'île de Bretagne, donc en l'occurrence le sud de l'Angleterre actuelle. Bien. Alors, ça ne signifie pas qu'il n'y avait pas de relation préalable avant César entre les deux rives de la Manche. On connaît un courant commercial évident entre la côte sud de l'Angleterre et, par exemple, la Normandie, le secteur des îles anglo-normandes, etc. Donc tout ça. Pour les minerais notamment, pour le plomb, les minerais, le cuivre. On ne sait pas. Je pense que ce n'est pas il n'y a pas là des volumes très très importants, mais ça existait. Et puis tout change après la conquête césarienne, où effectivement c'est par le Pas-de-Calais que les choses vont se développer, que les échanges vont se développer, mais ce qui est le plus important peut-être, c'est que ces deux débarquements de César et des Romains en Grande-Bretagne, enfin en Bretagne, qui n'est pas encore romaine, qui est encore indépendante, ont donné lieu, ces deux débarquements ont donné lieu à la création de royaumes clients. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on dit royaumes clients, ce sont des rois bretons qui sont protégés par Rome. Donc, ce sont les protectorats, de fait, des rois clients, et qui obéissent, d'une certaine manière, à Rome, avant même que Rome soit présente sur place. Commius Latrébate, par exemple. C'est l'empereur Claude qui s'empare d'une partie de l'île d'Angleterre, donc en 43. L'armée est bien entendu la colonne vertébrale de l'Empire. Pour autant, quel est le rôle de l'État dans le ravitaillement militaire, qu'il s'agisse de l'Angleterre ou de la Germanie? Alors, la conquête de la Bretagne, donc à partir de Claude, à partir de 43, conquête officielle, génère, si je puis dire, une prolongation de cet axe économique en développement que j'évoquais tout à l'heure, cette fois vers l'île de Bretagne. Il faut bien sûr ravitailler les troupes, ce qui ne veut pas dire qu'on leur expédie tout et n'importe quoi, par exemple le blé qui est un produit pondéreux et assez bon marché, il va venir essentiellement du sud de la Bretagne et pas de Gaule, bon, sauf exception. Mais quelle est la question que l'on peut se poser, c'est quel est le rôle que l'État a joué pendant toute cette phase de conquête. Pendant la phase de conquête elle-même, c'est-à-dire l'avancée des troupes, il est évident qu'il y a un ravitaillement qui est effectué, maîtrisé par l'État. Une fois que ces camps sont installé, une fois que la conquête est faite, c'est plutôt un système marchand que l'on voit se développer, un système privé, même si l'État, sans le contrôler directement, surveille toujours évidemment que ses troupes soient correctement ravitaillées. Par qui ces denrées étaient-elles acheminées aux soldats ? Existe-t-il par exemple des métiers particuliers au sein d'une chaîne logistique ? Je sais que vous en avez trouvé les noms en Égypte, curieusement, et qu'il en y a un très beau cas aussi dans un camp romain, trouvé en Angleterre. Oui, alors, il y a le système de ravitaillement romain de l'armée, il semble être extrêmement complexe. On en discute beaucoup entre historiens, et il y a des opinions très diverses et très opposées sur la question. Pour les uns, en particulier les archéologues espagnols, c'est un système qui est contrôlé, dirigé par l'État. Pour les Français en particulier, ceux qui suivent les opinions d'André Tchernia, qui a été un des grands spécialistes de l'histoire de la viticulture antique, nous pensons plutôt au contraire que nous sommes face à un système marchand. De fait, ce que nous voyons dans les différentes inscriptions, à travers les différentes inscriptions que nous trouvons dans la vallée du Rhône, en Languedoc, à Lyon, eh bien, c'est justement le rôle de ces marchands et de ces transporteurs qui acheminent les différents produits de Méditerranée vers le nord. Octavius Conductor, c'est ça ? Alors, par exemple, puisqu'on a une très belle tablette qui vient de Vidolanda, en Angleterre. Alors, dans la documentation qui est la nôtre, il y a la documentation, les tablettes de bois de Vindolanda. Donc Vindolanda, c'est un des forts du mur d'Adrien, donc à partir de 122 après Jésus-Christ. Mais Vindolanda est connu pour avoir livré des tablettes de bois, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le nord de l'Europe. On a l'équivalent qu'en Égypte, avec des ostracas, qui sont donc des tessons inscrits, et qui nous donnent des informations sur le ravitaillement de l'armée dans le désert. Donc on est dans des univers à la fois très distincts, mais aussi semblables, puisque c'est l'armée. Et Octavius, dans ses tablettes de Vindolanda, c'est quelqu'un qui est chargé, en quelque sorte, d'aller ravitailler le poste militaire. Et il semble que ce soit un civil, et non pas un officier. En conclusion, Michel Redé, c'est parce que les marches septentrionales de l'Empire romain ont vécu une expansion économique sans précédent que Strasbourg, Cologne, Mayence ou Bâle sont aujourd'hui un axe essentiel de l'Europe, mais aussi Londres, incontournable, centre de gravité. Michel Redé, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, « Aux marges de la Gaule, conquête militaire et développement économique de l'Occident romain », paru aux éditions Faye. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Noé Chaban, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.